Chapitre 29e. Elle s'était approchée à la toucher. Elle sentit une bouffée brûlante monter en elle. Sa chemise, déboutonnée, laissait entrevoir ses muscles saillants et crispés. Elle eut un geste vers lui et lui prit la main. Il l'emmena vers le milieu du salon, prenant au passage la télécommande de sa chaîne IFI. Pendant qu'il l'enlaçait fermement, une mélodie sensuelle sortit des haut-parleurs, la musique du film Ghost, son film préféré. Il bougeait à peine, se contentant de la serrer contre lui. Marina se dit qu'elle était perdue. Il lui murmura alors à l'oreille le souffle court. « Marina, darling, je n'aurais pas dû insister. J'ai tellement envie de vous faire mienne que j'en ai mal. » Mettant sa main sur ses lèvres, elle lui intima l'ordre de se taire. Sa bouche se trouvant à hauteur de son cœur, elle y posa les lèvres. Jason eut un violent sursaut et un son rauque sortit de sa gorge. « Honey, je vais vous embrasser. » Il se pencha alors doucement vers la jeune femme, lui effleurant la joue au passage. Il prit enfin ses lèvres, n'en forçant que légèrement le passage. Sa langue chaude prit possession de sa bouche et ils se retrouvèrent soudés l'un à l'autre. Leurs dents s'entrechoquèrent et leur baiser fut d'une douce violence. Haletant, ils se séparèrent un court instant, le temps de reprendre leur souffle. Elle ne s'aperçut qu'elle était allongée sur le canapé que lorsqu'elle ne sentit plus son grand corps brûlant sur elle. Il l'embrassait, la mordillait, la caressait, tout en lui murmurant des mots fous à l'oreille. Puis d'un seul coup, elle eut froid. Il s'était relevé, les mains tremblantes, et lui dit « Mon âme, il faut que nous arrêtions là tout de suite, pendant que j'ai encore un peu de lucidité. Après, je ne pourrai plus. De plus, ce canapé n'est pas digne de toi. Oh, je ne sais même plus ce que je dis. » « Jason, darling, relève-toi, je t'en prie. » Elle se redressa lentement, alla vers lui, puis mettant sa bouche sur la sienne, lui dit haletante « Jason, fais-moi l'amour. » Il la regarda stupéfait. Alors il l'enleva dans ses bras puissants, poussant la porte de sa chambre avec un pied, il l'allongea sur le lit, sur son lit. Il enleva rapidement sa chemise et ôta la ceinture de son pantalon ainsi que sa montre pour ne pas la blesser. Il avait un corps divin, doré comme le soleil, ferme et musclé de l'homme qui s'occupe de lui consciencieusement. Il s'allongea à ses côtés. « Mon amour, tu peux encore dire non, mais... « Je t'en prie, c'est maintenant qu'il faut te décider. Après, te voir coucher ainsi dans mon lit me paraît si irréel, et rien au monde ne me fera succomber à ma passion. « Jason, je te veux. » Il s'étrangla presque en entendant la femme qu'il aimait si passionnément lui dire qu'elle aussi le désirait autant que lui. Il l'embrassa furieusement, puis sa bouche descendit lentement vers les petites attaches qui retenaient sa tunique chinoise et entreprit de les lui enlever avec les dents. Quelle délicieuse torture allait-il lui infliger? Elle pétrissait ses reins, son dos, ses bras, passa la main dans sa chevelure soyeuse, jusqu'à ce qu'elle ne pût plus résister à ce supplice. « Jason, je t'en prie !» Délicatement, il lui ôta sa lingerie fine, puis, se relevant, fit tomber son pantalon et se pencha de nouveau vers ce corps de femme dont il avait une faim dévorante, une terrible envie depuis de si longues années. Ses mains puissantes caressaient amoureusement tout son corps, et bientôt sa bouche prit le relais. Il lécha un mamelon qui devint si dur et si sensible qu'il lui arracha un gémissement de bonheur. Il le mordilla et finalement le happa tendrement. La jeune femme se cabra contre lui. Sa bouche descendait paresseusement, laissant derrière elle une traînée de feu partout où elle allait. Voluptueusement, il atteignit sa plus chaude intimité et entreprit de lui faire perdre la tête. Elle cria son nom, sentant déferler en elle une vague de plaisir inouï. Il remonta alors vers elle, lui écartant doucement les jambes et prenant ses hanches et les soulevant, la pénétra d'une longue poussée. Il cria presque aussitôt. « Oh, Marina, je suis désolé, comme un collégien. Cela ne m'était jamais arrivé auparavant. Peux-tu m'excuser ?»« Jay, je n'ai pas à t'excuser. Et puis nous avons le temps, non ?»« Tu veux dire que tu ne vas pas partir immédiatement ?» Elle fut émue de voir cet homme si fort et si prévenant, si peu sûr de lui. Sa femme avait vraiment dû lui faire beaucoup de mal. Elle se sentait si bien contre lui, blottie dans ses bras, la tête sur sa poitrine. Si quelqu'un s'avisait seulement d'essayer de me déloger de tes bras, je serais capable de le tuer, dit-elle en souriant. J'ai encore du mal à croire que c'est toi qui es là, dans mon lit avec moi. C'est vraiment comme un rêve, et si cela en est un, je ne veux plus jamais me réveiller. De plus, personne ne m'a jamais appelé Jay. J'avoue que cela me plaît énormément. Un rêve, hein? Tu vas voir que cela n'en est pas un. Elle l'embrassa lentement, savourant ses lèvres, sa langue, sa chaude moiteur, puis comme il l'enlaçait, non, toi tu ne bouges pas. Il se laissa aller alors en arrière, s'installant sur le dos, lui volant une caresse au passage. La bouche de Marina commença à suivre le même chemin que lui-même avait emprunté sur son corps. Il gémissait lorsqu'elle atteignait des zones plus sensibles qu'elle mordillait délicatement. Lentement, elle joua avec son nombril. Puis sa bouche prit possession de son membre ressuscité, lui arrachant des cris de félicité. Avant qu'il ne soit trop tard, il la prit dans ses bras, puis comme la première fois, la pénétra lentement d'une longue poussée. Les yeux dans les yeux, ils sentirent le plaisir monter en eux, les emplissant pleinement. Il accéléra soudain, s'arrêta puis, puissamment replongea au plus profond d'elle-même. Ils crièrent en même temps. Lorsqu'ils revinrent sur terre, ils étaient étroitement enlacés, recherchant leur souffle. Je n'ai jamais été aussi heureux, mon amour. Ce que j'ai ressenti était tellement fort. J'ai ressenti la même chose, Jay. Je crois que nos corps et nos âmes ont fusionné. Tu sais que je vais te kidnapper. Tu serais encore capable de bouger après cela? Tu veux voir? Il n'arrêtait pas de la toucher, de l'embrasser tout en lui parlant. Il ressentait pour cette femme un amour si puissant, si entier, qu'il eut un instant très peur de la perdre et ne pourrait le supporter. Je vais te revoir, n'est-ce pas? Que quelqu'un essaye de m'en empêcher. C'est bien vrai, Honey. Jay, je crois que je suis tombée amoureuse de toi. Tu peux répéter ça encore une fois? Non, désolé, une fois dans la journée devrait suffire. Ils n'arrêtèrent plus de se chamailler, ponctuant les fous rires de baisers fougueux et d'étreintes dévastatrices. Cependant, il fallut se séparer. Ils se donnèrent rendez-vous le lendemain à l'aéroport. Se quitter ne fut pas chose aisée. Dans la voiture, un baiser en entraînant un autre, une caresse, une autre plus osée, il fallut quand même renoncer. Du rêve plein les yeux, mais le cœur un peu lourd, ils se promirent monts et merveilles pour le lendemain. Jason rentrait, prit une douche, puis nu, alla se rouler sur son lit, emplissant ses narines du parfum de la femme qu'il adorait. Il finit par s'endormir, épuisé. Lorsque Robert et Jeremy rentrèrent ce soir-là, n'entendant aucun bruit, ils se regardèrent surpris. La voiture de Jason était bien au garage, donc ce dernier devait se trouver aussi dans l'appartement. Curieux, fit Robert, que peut-il bien faire? Tu as des nouvelles du détective qu'il a embauché? Non, mais il a dû déjà lui raconter toute l'histoire, c'est à n'en pas douter. Alors mon vieux frère va être heureux. C'est une chance inespérée pour lui. J'espère qu'il va la saisir. Ne t'en fais pas pour ça. Mais j'ai tout de même un peu peur de la réaction de cette jeune femme. Tu imagines si elle le repoussait? Ça m'étonnerait. Jason peut être très persuasif, à sa manière, bien sûr. Et n'oublie pas l'amour qu'il lui porte. Bon, j'ai assez parlé de tout cela, je vais prendre une douche. Au fait, tu dînes ici ce soir, papa? Oh oui, personne ne me fera bouger de ce fauteuil, je suis bien trop fatiguée. Et toi? J'ai eu comme toi une dure journée. Mais que fait-il encore tout seul dans sa chambre? Tu ne crois pas que nous devrions aller voir? Je suis d'accord, allons-y. Le plus doucement possible, ils ouvrirent la porte de Jason et le virent sur le dos, les bras en croix, un sourire béat sur les lèvres. Il dormait comme un bébé. Il dort? Fit Jérémy. J'espère que. Ils le secouèrent doucement. Jason? Jason? Oh, encore vous! Vous ne pouvez donc pas me laisser tranquille. Sur ce, il se retourna sur le ventre, et là, les deux hommes ébahis se laissèrent aller à une certaine hilarité. Jason, étonné, finit par se relever. Que vous arrive-t-il? Pourquoi riez-vous comme des... Tu as vu ton dos, mon cher frère? Tu as lutté contre une panthère, peut-être? Et Robert dut renchérir. Si je me souviens bien, Madame le Roi a de très jolis et très longs ongles, non? C'est fini. Vous avez terminé. Alors dehors, tous les deux, tonna Jason. Lorsque celui-ci se regarda dans le miroir de la salle de bain, il aperçut son dos labouré d'estafilade d'un beau rouge cramoisi. Il haussa les épaules en souriant et, par provocation, fila dans la cuisine, paradant devant son frère et son père. J'ai une vague impression que vous êtes jaloux. Nous, répondit Robert, pas du tout. Mais je dois dire que cela fait du bien de te voir aussi en forme, termina Jérémie. D'après ce que je vois, tu n'as pas dû t'ennuyer. Je me trompe? Oh, lâche-moi. Allez, raconte-nous, supplia Jérémie. Oh, sûrement pas. Sachez seulement que je n'ai jamais été aussi heureux. Cela devrait vous suffire amplement. Quand nous la présentes-tu? Insista son frère. Quand vous serez prêt. Or, pour l'instant, je n'ai pas l'impression que vous soyez présentable. Jérémie alla dans le salon se mirer dans la grande psyché, puis revint dans la cuisine et resserrant la cravate de son père. Voilà, c'est mieux comme ça? Imbécile, je ne parlais pas de votre tenue vestimentaire, mais de votre comportement. À quoi bon? De toute façon, vous ferez quand même l'épître. Pas du tout. Nous savons nous tenir lorsqu'il le faut, n'est-ce pas, papa? Bien sûr. Laisse dire ton frère. Quand le moment sera venu, tu le feras. Jason se servit un grand verre de jus d'orange, ce qui fit à nouveau rire Jérémie. Tu en as bien besoin, mon frère, reprends vite des forces. Jason attrapa Jérémie et commença une longue bagarre où tous deux sortirent vainqus. Affalés sur le canapé, haletants, pliés, ils se demandèrent grâce mutuellement. Bon, je vais me coucher, et je t'interdis d'ajouter un de tes commentaires débiles, ok? Ok, pas de commentaires. Jason, reprit-il, je suis vraiment content pour toi. J'espère que tu auras beaucoup de bonheur, tu le mérites. Quand même, il t'arrive d'être sérieux. Merci, petit frère. Et pour te dire, je suis aux anges. Ah, j'oubliais, à quand le mariage et les bambins? Je veux être garçon d'honneur et parrain, et même dans le désordre, si cela te fait plaisir. Insupportable. Il est insupportable. Tu n'as qu'à te marier aussi, tu feras tes propres enfants. Sur ces bonnes paroles, bonne nuit, je suis mort.